va pas jouer à cache-cache. Astéré dans son coin à crâner, il ne sert à rien que tu te fâches. Si je décide de me cacher dans mon fort intérieur, même de garder pour moi mes idées noires entre café noir et café crème enfoui dans le fond du tiroir. Hier alors, je me trouvais en ville, attendant mon tram 32, par où qu'on entre et puis que l'on file et que l'on en descende par deux. Et cette odeur de parfum en mélange qu'elle humecte sans discrétion, puanteur à faire fuir les anges, la Vierge Marie par conception. Y'a peut-être de quoi se faire de la bile, y'a des fois qu'on ferait mieux de se tirer. Y'a parfois de quoi te devenir débile, y'a des fois qu'on ferait mieux de se tailler. D'un coup, sans que j'en ressente la moindre douleur, tandis qu'augmentait la cadence de mon pouls, elle s'empara de moi et je pris peur. C'est la panique, c'était l'angoisse, et dans mes veines le sang se glaça. Quelle peur et quelle poisse dans l'attente qu'elle passa. La peur, peur de devenir dingue, de finir mes jours à l'asile, assis sur le dos d'une grosse dinde, à trotter comme un fou sur mon île. L'île insolite et obscure, l'île des perdus, des damnés et l'exil enfin. Et pour conclure que la folie est mon allié. Y'a peut-être de quoi se faire de la bile, y'a des fois qu'on ferait mieux de se tailler. Y'a parfois de quoi devenir débile, y'a des fois qu'on ferait mieux de s'étaler. Aliénée native et grandissante, entraînant dans ses fantasmes, me tenant aux mains courantes, repris par la paix, octant de spasmes. Les portes s'ouvrent et je me sauve. Qui peut hors de ce maudit convoi, qu'on voit passer alors qu'on cause de tout de rien pour une fois. La peur, peur qu'on m'enferme, tantôt demain ou pour toujours, pour mûrir ma folie à terme, pour mourir au jour le jour. Fleurir de rose une gerbe de rose blanche le dimanche, sur un sentier que l'on désherbe au cimetière de Saint-Lange. Y'a peut-être de quoi se faire de la bile, y'a des fois qu'on ferait mieux de se tailler. Y'a parfois de quoi devenir débile, y'a des fois qu'on voudrait chialer. M'obsède et me tenaille, nous des nœuds serrés dans mon ventre, jusqu'au plus profond de mes entrailles, et de mon crâne qui s'éventre, se fracasse dans un fracas terrible. Il y a tout d'un coup tout qui fout le camp, et conscient de la folie qui me crible à bout portant. La sueur me perle le front ridé, la bouffée d'air pur me fait plaisir. La peur a l'air de s'éclipser et n'est bientôt plus qu'un souvenir. Mais avant de me quitter pourtant, elle me dit avec l'ironie du sort, tu paies rien quant à ton sort, je t'aurai au tournant. Y'a peut-être de quoi se faire de la bile, y'a des fois qu'on ferait mieux de se tailler. Y'a parfois de quoi devenir débile, y'a des fois qu'on voudrait chialer.